Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107FM. Et l'émission de ce soir est, on va dire, ludique, vu qu'on va parler d'amusement, de tours de magie, de fakir. Vous l'avez compris, j'ai en face de moi quelqu'un qui sait faire le clown, qui sait jouer avec des colombes. Il s'agit bien entendu de Magix Silly, qui est avec moi ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Lou. Et j'en profite aussi pour faire un coucou à nos auditeurs comme d'habitude et un en particulier ce soir. Lambert du décor nous a dit qu'il nous écoutait, alors bon, bah, tu nous écoutes. Bah, hein. Bonsoir à toi aussi. On te fait un coucou, merci beaucoup de nous avoir dit que tu serais là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Entre personnes qui travaillent dans le spectacle dans vivant, le spectacle, oui. C'est toujours quelque chose. Mais c'est vrai qu'après tout, l'émission de ce soir est dédiée à toi cette fois, c'est ton tour. Et oui, et pour cause, on va parler de plein de choses avec toi, de tes différentes activités, vu que tu en as beaucoup. On va parler de ton statut, aussi de tes actualités, de tes projets. Et c'est pour ça qu'on va remplir l'heure, hein, j'en suis persuadée, avec toutes les cordes que tu as à ton arc. Alors, Magix Silly, je vais y arriver. Magix Silly, tu travailles dans le spectacle, mais j'ai vu en surfant un petit peu sur ta page Facebook et sur ton site que tu as plein de cordes à ton arc. Alors, est-ce que tu peux peut-être toutes les citer à l'auditoire ? Oui, alors je suis clown, magicien, fakir, cracheur de feu, sculpture sur ballon. Et j'ai également des mascottes. Mais on va peut-être tout détailler au cours de l'émission, non ? Oui, bien entendu, on va revenir un petit peu sur tout, sur ce que tu fais comme spectacle, précisément, quel numéro, vu que chaque discipline a des numéros bien connus. Donc on va même pouvoir en parler. Mais globalement, dis-moi, est-ce que c'est ton métier ? C'est mon métier. Ça fait depuis maintenant 11 ans que... Je fais ce métier. J'ai débuté donc au cirque Zavata, mais avant de parler de Zavata, je suis déjà avant tout un passionné de cirque, car à l'âge de 6 ans, j'ai été au cirque Pinder. J'ai découvert donc pour la première fois le cirque et je suis tombé amoureux du métier. J'ai vu un clown sur la piste et j'ai dit plus tard, je veux être clown. J'ai rencontré donc la directrice artistique du cirque Pinder, Sophie Endestein, qui était également jury à la France un incroyable talent. Et depuis, je côtoie toujours la famille Endestein quand ils viennent dans les Vosges, tout ça. J'ai ma carte à vie gratuite pour aller au cirque. Je suis toujours en contact avec eux, donc ça m'a donné envie de faire ce métier. Et à l'âge de 18 ans, j'ai passé une audition au cirque Zavata qui était passé sur Bruyères. Ils m'ont engagé et je suis parti avec eux pendant 3 mois en tournée. Et après, j'ai travaillé dans de nombreux cirques pour développer mon art. J'ai envie de revenir un petit peu, vu que tu as devancé une de mes questions, hein, d'où et quand est née cette passion. Tu as dit que c'est venu à 6 ans, tu as vu un clown. Est-ce que tu te souviens du numéro que tu as vu qui a fait que tu tombes complètement amoureux de la discipline ? Déjà, pouvoir être clown, donc faire des bêtises sans se faire gronder, ça c'est l'idéal. Et puis, pouvoir faire rire les gens. C'est vrai que moi, si mon spectacle si je fais un spectacle de magie, je voudrais que ça soit plus sur le comique, parce que j'arrive pas à rester sérieux. C'est très dur pour moi de rester sérieux. C'est pour ça que le nez rouge, voilà, au moins on fait rire le public, on sait qu'ils viennent pour se détendre, et puis ils oublient la vie quotidienne quand ils viennent au spectacle. Oui, tu es un clown comique, je le rappelle, vu qu'il y a différents, il y a les clowns blancs aussi qui sont beaucoup plus sérieux. Voilà. C'est pas, de toute façon, c'est pas ta cam, hein, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Mais après tout, il faut de tout pour faire un monde. Et oui, donc cette passion, tu as commencé à t'entraîner après à la maison, à faire des numéros. Et puis après, est-ce que tu as fait une école spéciale ? Pas d'école spéciale parce que je suis parti directement au Cirque Zavata où là, c'est l'école de la vie parce que quand on est donc sédentaire dans une maison et que du jour au lendemain, on se retrouve dans une caravane, donc c'est déjà pas la même chose et qu'on est livré à nous-mêmes parce qu'on n'est plus avec les parents, on est directement dans un cirque. Donc ça veut dire quoi dans un cirque? Ça veut dire vivre 24 heures sur 24 avec les gens du cirque, bouger tous les deux jours, voire des fois une seule représentation, on démonte le chapiteau et on repart. Donc des fois, c'est beaucoup de kilomètres aussi d'aller dans une ville à une autre. C'est une autre vie, une vie complètement différente, quoi. Mais c'est pour ça que le monde artistique, c'est quand même une grande famille, que ce soit les artistes de cirque et tout autre. Oui, en effet. Et tu es parti, alors ça c'était marqué sur ton site internet magicsilly.com. C'est à partir de tes 18 ans que tu es parti au Cirque Zavata et c'est là que tu as été formé. Tu es parti combien de temps avec cette compagnie-là ? Alors j'ai fait 3 mois, mais je n'étais pas que artiste. J'étais vraiment, je faisais tout. Donc j'étais passé donc, au montage, à l'affichage, occupation des animaux, artiste pendant le spectacle, montage, démontage. Donc ça fait que c'est des journées qui sont quand même très longues parce qu'on démarre le matin, tout dépend à l'heure si on doit partir sur une place ou une autre. Donc les gens y croient que dans un cirque ou artiste, voilà, on a juste nos numéros à monter et puis pouf, on travaille. Non, c'est derrière, il y a tout le côté des coulisses, quoi. Oui, tout l'envers du décor, bien voilà. Entendu. Comme tu as dit ça, hein, tu es la première personne qui a travaillé dans un cirque que je reçois, donc je vais pouvoir te poser un petit peu ces questions sur l'envers du décor. Donc, tu as dit que tu as participé un petit peu à tout dans la vie du cirque. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou il y a des personnes qui restent vraiment dans leur petite bulle ? Après, tout dépend sur quel établissement qu'on travaille. Si on travaille chez Pinder, Bouglione, Grus, Harley de Grus, bon là, ça va être du gros établissement. Donc on va être artiste, on va démonter un peu, mais on sera plus artiste. Par contre, si on travaille dans les petits cirques familiales, comme moi je l'ai fait, là par contre, on fait un peu de tout. Donc ça t'a permis d'être polyvalent et de découvrir en fait l'ensemble du métier ou l'ensemble de la vie en cirque. Et est-ce que tu as été avec Zavata pendant 3 mois, est-ce que tu as suivi d'autres cirques ensuite ? Oui, j'ai suivi d'autres cirques, j'ai fait le cirque de Monsieur Loyal, où j'avais un numéro de grande illusion avec la patronne, et ils m'ont appris également à manipuler des serpents. Donc j'ai eu la chance donc de manipuler les serpents et vu que ce cirque avait des tigres, le patron, j'allais avec lui pour nourrir les tigres, avoir la vie, comment on vit les tigres, tout ça, et tous les animaux exotiques, les chameaux, les lamas, les watousis, c'était cool. Comme tu viens de parler des animaux dans les cirques, il y a une question qui me brûle les lèvres et que forcément je vais finir par te poser. Bien sûr. Parce que les auditeurs le savent maintenant, la cause animale me tient beaucoup à cœur. Comment les animaux sont-ils traités dans les cirques ? Alors, je sais que là en ce moment ça fait la polémique sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il faut savoir qu'être artiste de cirque, dompteur de fauves, tout ça, maintenant il y a un suivi vétérinaire. On ne peut pas avoir des félins comme ça, il faut avoir des papiers de capacité, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un félin et puis de ne pas savoir gérer. Donc là, on a quand même, on passe des papiers de capacité. Et bien sûr, maintenant, il y a les techniques vétérinaires qui viennent régulièrement. Et le dompteur, lui, il s'occupe des animaux 24 heures sur 24. Parce que quand il y a des naissances, bah bien souvent, c'est lui qui les vénère. Il y en a, moi j'ai un ami qui a des chimpanzés, les tout petits, il les a dans les caravanes. Frédéric Endestein, quand il avait des petits tigres, il les avait dans ses caravanes, des fois quand la mer, elle les jette, ça arrive. Mais voilà, les animaux sont bien, parce que, ok, il serait mieux dans la nature, mais si on revient dans la nature, c'est quoi? Il y a les braconniers, tout ça, ça revient au même. Les animaux, là, quand on voit les éléphants qui commencent à disparaître, s'il n'y a plus de zoo, s'il n'y a plus de cirque, dans 20 ans, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont connaître? La future génération, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Ils ne sauront même plus c'est quoi d'un éléphant, ils ne sauront même plus c'est quoi d'une girafe. Et puis, bon, il y a une autre chose qui me fascine, c'est que les gens ils disent « Oui, mais la cause animale, les animaux sont malheureux, tout ça. » Mais est-ce que vous avez déjà vu, quand on part en vacances, déjà on part pas en vacances, mais nous, nos animaux, ils sont tout le temps avec nous. Quand on voit que les gens partent en vacances et que les bêtes sont au milieu de la route l'été. Oui. Donc voilà, nous, on vit vraiment avec les animaux, et qui est les grandes familles chez Bouglione, chez Grus, les petits cirques familiales. Ils aiment les animaux. Oui, et c'est bien que tu le dises, parce qu'au moins maintenant, j'en ai le cœur net. J'ai posé la question à quelqu'un qui a travaillé en cirque. Après tout, c'est le meilleur moyen d'avoir une information de source sûre, c'est aller la demander et directement. Puis, une autre chose également, c'est si quand tu écoutes les animalistes, ils veulent plus donc d'animaux dans les cirques, ils veulent plus de chiens d'aveugle, ils veulent plus si, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste du pognon, désolé à dire ça, ils voient juste l'argent, parce qu'en fin de compte, ils ne savent pas c'est quoi. Ils viennent avec leurs pancartes, ils viennent avec si. Quand on voit les trucs, qu'est-ce qui est honteux? Il y a eu un cirque qui est venu dans un village, il y avait une dame, elle a mis son gamin dans une cage pour manifester devant. Ah, je suis désolé, moi je dis un cirque traditionnel, c'est avec animaux. De toute façon, j'ai été voir un jour un cirque moderne, je me suis endormi. Et puis quand Medrano, Bouglione ou les petits cirques familiales qui viennent, on est quand même en deuxième place après le cinéma. Donc c'est que les gens aiment le cirque traditionnel. Oui, après tout, et comme tu l'as dit, hein, y a un suivi vétérinaire important, ils sont bien traités et les dompteurs sont vraiment avec eux. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question qui était importante pour moi. Mais on va revenir à ton parcours, parce qu'après tout, tu es le sujet de ce soir et il y a encore beaucoup de choses à dire. Et tiens, on va peut-être, avant la première pause musicale, parler un petit peu plus précisément des disciplines en fait que tu pratiques. Alors avant toute chose, tu as dit que tu es clown. Bon, je pense un clown, c'est un clown. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as choisi d'être clown? Bah pourquoi? Parce que tout simplement faire rire les gens, je trouvais ça super cool. Et puis c'était dans mon personnage de pouvoir me maquiller et puis pouvoir rentrer sur la piste avec les chaussures qui partent de toutes les couleurs, un costume qui pète bien, parce que moi j'ai le costume, il est jaune, vert, il est toutes les couleurs, il est rouge. Et puis pouvoir également se moquer de moi-même, mais ça passe mieux de placer une blague à une personne que si on est un magicien, qu'on ne peut pas placer la même blague. Comme ça, au moins là, les gens, ils savent qu'ils sont là pour s'amuser, et puis clown, on peut faire toutes les bêtises du monde, quoi. Oui, en effet. Et est-ce que tu as un tour phare en tant que clown? Un tour qui marche le plus? Un tour qui marche le plus, non, parce que j'aime bien de reprendre donc des anciens numéros que le cirque donc m'a appris, mais également en numéro phare. Si, il y a un tour où j'aime bien parce que ça fait rire tout le monde, c'est que j'ai un parapluie et je dis que je vais faire apparaître des fleurs au bout de ce parapluie. Donc je prends une première personne, donc le numéro ne marche pas. Je prends une deuxième personne, je fais abracadabra, le numéro ne marche toujours pas. Et au bout de la troisième personne, Là, je fais abracadabra et je dis aux enfants, est-ce que vous voyez quelque chose? Ils me disent non. Et là, je dis, bah, c'est trois andouilles qui tiennent un parapluie. C'est de la musique un peu, c'est de la magie un peu ratée, mais ça reste du gag. Oui, en effet, c'est un sacré gag. Oui, c'est. Bah, tu m'as fait rire en fait tout de suite, donc autant dire oui, c'est certainement quelque chose qui marche. Et comme tu as parlé de magie, ta deuxième autre corde principale, c'est être magicien. Alors, d'où t'es venue l'envie aussi de t'ajouter la corde de la magie ? Ah bah, la corde de la magie aussi, ça m'a donné envie parce que j'ai regardé le plus grand cabaret du monde. Donc, avec Dany Larry qui fait des grandes illusions. Et j'ai voulu donc monter le spectacle donc avec du clown et de la magie. Comme ça, il y a les deux. Et s'il y en a, bon, parce qu'il y en a, ils ont la phobie des clowns. Oui, à cause, après tout. À cause ben, des clowns tueurs qu'il y a eu et puis des films d'horreur qu'on a eu. Donc, quand il y en a qui ne veulent pas le clown, bon, ben, j'ai l'arc de la magie. Mais le plus souvent, c'est le spectacle de clown qui est sollicité. Et bon, même si tu as dit tu es principalement clown, tu peux peut-être nous parler de ton tour qui marche le mieux en tant que magicien. Alors en tant que magicien, c'est mon numéro de colombe qui plaît bien. Mais moi, voilà, j'ai voulu des colombes, les faire apparaître, les faire disparaître, c'est bien, mais je voulais ma petite touche personnelle. Donc moi, mes colombes, vu que je travaille dans un cirque, je les ai dressés. Donc, j'ai une colombe qui marche sur une boule. J'ai la colombe qui tourne sur un cerceau. Elle marche sur mes mains. J'ai voulu vraiment un numéro donc, de magie, mais également de dressage, pour que le numéro soit complet. Oui, en effet. Bah, écoute, tu sais quoi ? C'est déjà le moment de s'écouter la première pause musicale. Pas de souci. C'est une nouveauté, une exclusivité sur Radio Gémozo. Il s'agit du morceau « L'appel d'air » de l'album « Matelot » de Lane. Alors, bon, quelqu'un que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert très récemment. Son album sort le 25 mai. Donc, on s'écoute « L'appel d'air » et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. L'appel d'air m'appelle au-delà. Sur le jardin squatte l'anaconda qui grimpe le lierre et fume. Tes mégots, ici tu l'entraînes, station d'hydro. Et si tu l'embrasses sous la bouche, ça me dévaste et je me déverse dans la Seine. Dégueulasse. Comme des mégots. Et des mégots, et des mégots. Cours si ça passe, pour plus vite oublier l'odeur cruelle et vaste des histoires, des histoires, des histoires. Les camélias qui retournent la terre, retournent à la terre, à la terre. Comme tes mégots, et si tu l'entraînes, et si tu l'entraînes, et si tu l'embrasses, ça me dévaste et je me déverse dans la Seine, ça me appel d'air. fait l'orage. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouso 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau L'Appel d'air de Laïn, donc un album qui sort le 25 mai. Je suis toujours avec Magic Silly pour parler de tes spectacles, de ton travail de clown. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission en live, hein, c'est avec plaisir. Vous pouvez écrire sur notre page Facebook Radio Guémouso ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Juste avant la pause musicale, Magic Silly, on a parlé de ton travail ou ta discipline de clown, de magicien, mais il y en a d'autres, bien entendu. On est là pour détailler tes différentes cordes, les différentes cordes que tu as à ton arc, bien entendu. Et parmi elles, tu es aussi cracheur de feu et fakir. Et d'où t'es venue aussi l'idée, l'envie d'être cracheur de feu et fakir? Alors déjà le fakir. Alors, c'était il y a maintenant 2 ans, que je me souvienne bien. Il y avait donc, j'ai eu une proposition d'un client qui m'avait demandé donc un spectacle d'Halloween pour de spectacles de rue. Et donc, il voulait quelque chose de numéro un peu dangereux, mais pas trop. Donc, j'ai essayé de regarder, et qui fait peur aussi. Et j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu... un fakir en Tunisie qui marchait sur des tessons de verre, et j'ai trouvé ça super cool. Alors moi je suis parti donc aller voir des amis forains, tout ça, pour récupérer des canettes de verre. J'ai cassé les canettes de verre donc dans ma cave, et j'ai dit je vais me lancer, je vais essayer de marcher dessus. Donc j'avais pas de formation, j'avais rien, j'ai dit je verrai bien et tout, et j'ai marché donc sur le verre, et ça m'a donné envie donc de présenter ce numéro. Donc j'avais juste les tessons de verre. Et j'ai fait donc ce numéro où je marchais sur le verre, je prenais un enfant sur mes épaules et je marchais sur le verre, je mettais la tête dans le verre, j'avais une personne qui me montait dessus, et j'ai vu les réactions des gens, comme quoi que les gens avaient peur mais applaudissaient. Donc j'ai dit « Oh là, le numéro, faut que je le développe !» Donc j'ai fait une planche à clous. Oui. Donc mon oncle a fait une planche à clous, il a mis 2 mois pour le faire, voilà. Je l'ai fait en spectacle, et quand j'ai vu que le numéro ça plaisait, bah, j'ai rajouté donc du jonglage de feu. Après, je me suis dit donc cracheur de feu. Donc j'ai un ami qui est connu dans la région et que peut-être toi tu l'as déjà vu, qui est Toff Blanc, le clown Toff Blanc d'Épinal. Ah, ça me dit quelque chose. Il a laissé un appel pour récupérer des vélos. Voilà. Je sais toujours pas ce qu'il veut. Il en fait faire, des sculptures. Il fait des sculptures. Mais c'est un ami, donc c'est lui qui m'a appris donc le cracheur de feu. Donc après, je me suis donc lancé donc dans le crachage de feu, jonglage de feu, numéro de fakir, et j'ai vu que le spectacle s'appelait beaucoup, parce que maintenant je fais des fêtes médiévales. Je fais cet été j'ai un mariage où le marié veut du cracheur de feu, donc je fais des mariages avec le crachage de feu et peut-être du fakir. Et après, ça m'a permis aussi de présenter, quand il y a des cirques qui viennent dans la région, de présenter mon numéro de fakir, parce que maintenant des fakirs, il n'y en a plus beaucoup. En France, il y en a, je dirais peut-être encore une petite dizaine, et encore, je ne sais pas trop, mais je sais que dans l'Est de la France, je dois être le seul. Ah oui, et puis, déjà, avant toute chose, hein, ne faites pas ça chez vous. Non, il ne faut pas le refaire. Parce qu'après tout, toi, tu t'es lancé sans vraiment formation, sans avoir de formation, surtout pour marcher sur le verre. Mais dis-moi, ça t'est jamais arrivé de te blesser ou de te faire mal? Alors, un peu au début où je m'ouvrais un peu l'arcade, oui. Où là je saignais un peu, mais voilà, maintenant le numéro est bien rodé, donc maintenant j'ai donc le verre, j'ai le spectacle de feu, donc jonglage de feu, bâton du diable, cracheur de feu. J'ai également une petite remorque de jardin où on met de l'herbe, mais moi je mets pas de l'herbe, moi je mets 2 personnes dedans, reliées à 2 chaînes. Les chaînes sont reliées à 2 serpettes, et les serpettes sont autour de mon cou, et je tire les gens à l'aide de mon cou. sans de m'aider de mes bras. Waouh. Je me couche également sur des fourches. Sur deux fourches, je me couche et j'ai une personne qui monte dessus. Oh. Et je fais également l'homme sandwich où je suis couché sur le verre. Et sur mon torse, c'est la planche à clous et j'ai une personne qui monte dessus. Oh. Et petite anecdote, donc sur la planche à clous, j'étais sur dans un festival que mon ami Jackie du Hou, alias Léo Gréco, je ne sais pas si tu connais. Non, là ça me dit rien. Qui faisait des festivals et il m'avait invité pour présenter mon numéro de fakir. Et donc le numéro donc se déroulait bien et j'ai commencé à faire la planche à clous. Je me suis couché sur ma planche à clous et j'ai une personne qui est venue, donc une dame qui est arrivée pour me monter dessus et elle a eu tellement peur qu'elle m'est tombée dessus en plein spectacle. Moi, ça m'a fait rire parce que je fais oups, ça l'a glissé. Donc le DJ avait entendu, il avait rigolé, mais j'ai pas été blessé. Mais voilà, je suis professionnel, je m'entraîne pour pas que j'ai d'accident. Mais c'est vrai que les gens, on peut pas savoir la réaction qu'ils auront. Donc j'ai toujours du monde qui m'aide quand ils montent dessus pour vraiment qu'il y ait pas d'accident. Oui. Mais il y a vraiment plein de photos sur ma page Facebook Magic Cecily. Oui, qui s'écrit M-A-G-I-X-S-I-L-L-I. Dis-moi, on n'a pas vraiment parlé de l'origine de ton nom d'artiste, en fait, Magic Cecily. Pourquoi l'avoir choisi ? Alors, mon nom de famille, Cecily, donc devant, j'ai juste voulu rajouter Magic, comme ça faisait Magic Cecily, et c'était plus facile de trouver un nom de scène. Voilà, tout simplement, voilà. Et c'est ton nom de scène depuis combien de temps maintenant ? Bah, ça fait 10 ans. 10 ans, ça fait 10 ans aussi que tu es clown professionnel ? Voilà. Comme on a parlé de professionnel, on va revenir sur tes autres disciplines un tout petit peu plus tard, histoire de faire durer le suspense pour les auditeurs. Mais dis-moi, en tant que clown, c'est vrai que quand on dit clown ou quand on parle du cirque, on pense souvent au statut des intermittents du spectacle qui est un petit peu compliqué. Alors est-ce que toi, tu fais partie de cette catégorie-là ? Alors non, bah moi j'ai travaillé sur contrat dans de nombreux cirques et après je me suis mis auto-entrepreneur parce que j'avais un ami qui était en auto-entreprise, donc il m'a dit que c'était facile, donc il m'a expliqué tout ça et je me suis mis auto-entrepreneur. Et c'est quoi la différence entre être intermittent du spectacle et auto-entrepreneur ? Alors, auto-entrepreneur, c'est on fait donc des contrats et des factures, et intermittent du spectacle, je sais qu'il faut faire beaucoup de fichiers pour les clients. Après, intermittent, je ne peux pas trop t'expliquer, parce que je ne sais pas trop, mais moi, je suis plus sur la partie auto-entrepreneur, et je sais que c'est plus facile pour les clients. J'ai un ami qui m'avait dit que c'était plus facile auto-entrepreneur, c'est pour ça que je me suis mis en auto-entreprise. Un ami à la base qu'on aurait pu ranger dans la catégorie des intermittents du spectacle, voilà, comme tous les autres, magicien, c'est ça. Oui. Ah oui, en effet, donc si entre collègues vous dites que c'est peut-être mieux de passer par un autre chemin, c'est dire que ce statut-là est compliqué, mais on en a beaucoup entendu parler. Voilà. Et comme tu es aussi un petit peu professionnel, je voulais aussi en savoir ce que tu pensais. Donc en fait, oui, tu as trouvé un autre moyen d'exercer ton métier, bien entendu. Et dis-moi, globalement, ce que tu fais, tu es quand même assez demandé dans le secteur, parce qu'il me semble que tu es du secteur. Oui. Alors déjà, tu interviens sur quel rayon ? Alors sur quel rayon ? Donc j'interviens donc des Vosges, je vais jusque Dijon, je vais jusque Besançon, je vais jusque Troyes. Et je me déplace dans toute la France. Ah bah dis donc tu vas déjà sur un, tu ratisses un, comment dire, un secteur assez large. Et donc bah, si tu ratisses un secteur large, c'est que tu es quand même assez régulièrement demandé. Voilà, j'ai toutes sortes de clients, donc aussi bien des particuliers que des anniversaires enfants, que des mariages, que des fêtes médiévales, des kermesses, des brocantes. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais beaucoup de choses, les cirques, les festivals. Donc, d'après ce que j'ai compris, ton public est même extrêmement varié. Voilà, on va dire de 5 ans jusqu'à 99 ans. Ah oui, en effet. Ça te va? Oui. Mais on reste tous des enfants. Oui, après tout, on est tous de grands enfants et je pense que tout le monde reste émerveillé devant un beau spectacle de magie ou devant un spectacle de clown qui fait rire. On est tous les mêmes, on est tous égaux face à la comédie et on est même tous égaux devant la musique. J'ai envie de proposer la deuxième pause musicale. Donc là, je t'ai laissé choisir parmi mes CD et tu as choisi un morceau de Carpenter Brut. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il a sorti un nouvel album, alors bon. Je ne connais pas, donc on va découvrir, c'est vraiment au hasard. Je ne pense pas que les auditeurs connaissent très bien Carpenter Brut et pourtant il faudrait. C'est un Français qui œuvre dans l'électro et tu as choisi le morceau Paradise Warfare qui est de son troisième LP, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans une compile d'albums. Enfin, bref. Donc, je te laisse découvrir ça et je laisse aussi à nos auditeurs l'occasion de découvrir cette parenthèse sonore. Et on se retrouve juste après sur Radio Gameozo. We'll be right back. êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. C'était le morceau Paradise Warfare de Carpenter Brut, qui a sorti un nouvel album courant du mois de février. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo. Et vous pouvez aussi nous appeler au 03 29 62 40 40. Une petite réaction en live, ça ferait toujours plaisir. Je suis toujours avec Magic Cecily hein, pour parler de ton travail, de tout ce que tu fais. Et je pense que ce serait bien de finir de détailler les différentes cordes que tu as à ton arc, parce qu'après tout, tu es clown, tu es magicien, tu es cracheur de feu et fakir, et tu en fais d'autres. Tu m'as dit aussi que tu fais de la sculpture sur ballon. Oui, tu peux un petit peu nous la détailler? Sculpture sur ballon, donc c'est des ballons qu'on fait des chiens, des petites girafes. Et donc je fais ça pour les anniversaires enfants. Donc j'offre les ballons aux enfants, ou quand je fais des ouvertures de magasins. Donc je fais des ballons, et également j'ai des mascottes. Donc les mascottes, c'est des grandes peluches géantes qui font des photos donc avec les enfants. Donc j'ai un chat botté, un lapin, un ours. Et le lapin, je fais beaucoup d'animations pour les périodes de Pâques, où là on fait des stands de photos, et les enfants, donc le lapin distribue les chocolats aux enfants, et on fait ça également pour les carnavals, également le festival du cirque à Vaucouleurs tous les deux ans, où j'y vais avec mes mascottes et je fais la parade dans les rues avec tous les artistes de cirque, et puis voilà. Et d'ailleurs, dis-moi, parce que c'est de toute façon, moi, je suis la championne des questions bêtes. Hein. Ça, tout le monde va le savoir. Mais après tout, c'est des questions évidentes que tout le monde se pose. Comment tu fais pour que les ballons explosent pas? Parce que, en ce qui me concerne, j'ai déjà essayé. Alors, ou j'ai deux mains gauches, ou j'ai pas le truc. C'est des ballons magiques. Non, il y a un truc. C'est des ballons qu'on achète donc chez nos fournisseurs donc de magie. Et donc après on sculpte et tout. Bon, après j'ai des anecdotes aussi sur des ballons. Une fois j'étais en soirée, et donc j'étais en train de sculpter des ballons, et j'ai un jeune qui vient me voir. Il me dit écoute, je voudrais que tu me sculptes un ballon. Et là il me sort un préservatif de sa poche, donc je savais plus où me mettre. J'ai dit non, c'est pas les mêmes ballons. Il me dit ouais, mais tu pourrais faire ça, ça te coûterait moins cher. Je dis non merci. Donc ça me fait rire, parce que c'est toutes des petites anecdotes qui nous arrivent des fois en spectacle, et celle-là ouais, on me l'avait jamais fait quoi. Je l'avais pas vu venir, et pourtant ça semble évident dans la forme du ballon. Enfin voilà. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Dis-moi, à l'instant on a passé en début d'émission un petit coucou à Lambert du décor, oui, qui nous répond. Il te propose même un petit défi, donc ça y est, on a une réaction en live. Il m'a dit qu'il rouvre les portes de la maison du tourment, et il aimerait que tu puisses peut-être montrer un numéro de fakir en fait sur ce thème-là. Eh ben pourquoi pas, écoute, pourquoi pas, tu peux m'appeler demain si tu veux, dès que tu as un moment libre, donc au 06 79 40 59 52, et pourquoi pas, parce que la Maison des Tourments, moi je l'ai fait pour la première édition, et vraiment c'est quelque chose vraiment de génial, et j'aime l'horreur, donc c'est vraiment cool. Donc oui, écoute, ton défi, je veux bien l'accepter, donc n'hésite pas à m'appeler ou envoie-moi un message sur Facebook, mais avec grand plaisir. Et d'ailleurs, dis-moi, comme tu m'as dit que tu as participé à la Maison du Tourment, j'avais un petit peu envie de parler de tes souvenirs. Donc, est-ce que tu as un souvenir en particulier sur la Maison du Tourment à nous raconter? Moi, j'avais fait un mire-court donc avec ma cousine, et je sais que ma cousine, elle avait fait deux jours de cauchemar. désolé Lambert, mais ouais, elle avait fait des cauchemars, mais c'était vraiment super quoi. Et la deuxième édition, les autres éditions, j'ai pas pu y aller, mais voilà, ça serait avec grand plaisir, pourquoi pas, de présenter un numéro de fakir. C'est bien, c'est noté, il est très content, il te remercie. On va continuer, mais bien entendu, peut-être qu'on fera un petit suivi pour la Maison du Tourment 2019. On continue un petit peu sur les dernières cordes que tu as à ton arc, parce que j'imagine que les auditeurs trépignent d'impatience pour savoir tout ce que tu fais. Et je crois une des dernières choses que j'ai pas spécialement mentionnée, si je crois que tu es mascotte aussi. Oui, on a parlé juste avant. On en a parlé, mais on n'a peut-être pas parlé des spectacles de Noël. Spectacle de Noël. Alors, à Noël, j'ai monté un spectacle donc, sur le thème de Noël. Donc c'est un lutin de Noël, donc qui est dans la fabrique du Père Noël et qui veut devenir magicien. Donc il va se servir de tous les jouets pour réaliser donc son rêve d'être un magicien. Mais bien sûr, il y a certains jouets qui vont pas marcher, donc ça va partir sur du gag. Et à la fin du spectacle, il y a une grande boîte qui arrive sur scène, un grand cadeau géant que le lutin s'est fabriqué. Et là, il fait sortir des parapluies, des foulards, des plumeaux qui changent de couleur. Et à la fin, il y a l'apparition du Père Noël qui arrive sur scène pour le plaisir des petits et des grands. Et après, le lutin et le Père Noël descendent donc dans la salle pour faire des photos et des dédicaces pour ceux qui veulent. Et également, moi, ça me tient à cœur, c'est que dans tous les spectacles, que ça soit les spectacles de scène, les spectacles de rue ou les cirques, je suis toujours à la sortie pour faire les photos et discuter avec les gens. Parce que ben, au cirque, on m'a toujours appris que quand on a des invités, on les accueille à la porte et on les accueille à la sortie. Donc moi, je suis toujours à l'accueil quand le public arrive avec une mascotte et je suis toujours à la sortie à la fin du spectacle. Ah bah c'est bien, ça fait de toi un artiste accessible et c'est quelque chose d'important. Mais dis-moi, tu viens un petit peu de titiller ma curiosité. Bah de toute façon, tu fais que ça avec tout ce que bien tu sûr. Dis. Tu as dit que à un moment, il y a un Père Noël qui apparaît sur la scène. Donc j'imagine cette fois, tu n'es plus tout seul. Alors est-ce que tu es souvent seul sur scène ou ça arrive que tu sois accompagné, voire même aidé? Alors, bah pour le Père Noël, je suis obligé de le réserver un an à l'avance au Pôle Nord. Donc, il a de la chance de m'accorder chaque année de venir avec moi sur la tournée de Noël. Non, je plaisante bien sûr. Non, c'est mon papa ou un ami qui m'aide sur scène. Bon, plus mon père. Mais sinon, des fois, j'ai un ami qui vient m'aider sur des spectacles de rue. Beaucoup en fakir parce que bah, quand les gens me montent dessus, il me faut automatiquement quelqu'un. Et puis, pour pouvoir monter le matériel. Oui, bien entendu. Et on en profite pour saluer le travail de ton papa qui est avec nous aujourd'hui, hein, qui est venu assister à l'émission. D'ailleurs, si un auditeur a envie d'assister une fois à une émission, il n'y a pas de souci. Donc, on salue ton travail, ta présence hein, et puis aussi celle de tes amis. Et d'ailleurs, dis-moi, au sein de ta famille, ça a été visiblement, c'est bien accueilli maintenant. Est-ce que ça a toujours été le cas quand tu as annoncé à tes parents que tu voulais être clown? Alors, mes parents, bon, au début, voilà, parce que bon, quand quelqu'un dit « on va se lancer en clown », oh là là, c'est pas un métier, mais si, si. Et puis après, ça a été, donc j'ai le soutien donc, de mes parents, de ma grand-mère, la famille, on n'en parle pas parce qu'ils comprennent pas, mais c'est des jaloux, on s'en fout. Mais par contre, j'ai une personne que je veux citer, il va peut-être m'écouter à la radio. C'est un ami qui est très cher pour moi, c'est l'abbé Combes d'Éloie, monsieur le curé, qui est un ami depuis maintenant plus de 12 ans. Donc s'il a le temps, il m'écoute et ça c'est quelqu'un qui par contre qui me suit beaucoup, il me suit régulièrement dans les spectacles quand il peut et il reçoit souvent des photos car il suit beaucoup mon actualité. Et puis bien sûr, tous les amis proches que j'ai, que ça soit des artistes, que ça soit... le parc du château d'Épinal qui est des amis et puis des clients également fidèles comme Épicentre. Donc Épicentre, on fera un petit coup de pub pour demain, tout à l'heure, je te devance avant, désolé. Oui, non mais bien sûr, comme ça. Donc, les auditeurs pour savent pour demain après. Comme ça voilà. Et voilà, et puis toutes les sortes également, parce que bon, le monde du spectacle c'est une grande famille. Et là je suis très content que Lambert m'écoute, donc ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup de m'écouter. Et puis toutes les autres choses également, maintenant je vais dans des congrès de magie également pour racheter du matériel et puis pour voir d'autres magiciens. Donc cette année je vais à Arcachon, donc voilà. Et puis le monde du spectacle, c'est le plus beau métier du monde. En effet, et c'est quelque chose de tellement beau de pouvoir mettre un petit peu un pied dans ton univers. Et univers, c'est le thème de notre dernière pause musicale. Il s'agit du morceau To The Stars de John Universe, de l'album To The Stars qui est sorti le 16 avril, que j'ai déjà passé et que je vais recevoir prochainement, vu qu'ils feront la fête de la musique, donc le 21 juin à Vanier, si je ne me trompe pas. Donc, on s'écoute To The Stars et on se retrouve juste après. Après, sur Radio Gémozo. I said I won't go. Nothing changed till now. I said c'était To The Stars de John Universe. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM pour cette quatrième et dernière partie de l'heure des loups. Et s'il vient à quelqu'un l'envie de réagir en live, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Radio Gémozo. Je suis sans problème les messages qui nous sont envoyés. Ou vous pouvez aussi avec plaisir passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Et vous pouvez bien entendu interagir avec l'invité de ce soir, qui est bien entendu Magic Cecily. Donc tu es, oh là là, t'as tellement de cordes à ton arc. T'es clown, magicien, cracheur de feu, fakir, tu fais de la sculpture sur ballon, tu fais elfe du Père Noël aussi dans voilà, un spectacle aussi que tu fais. Et c'est important de le souligner aussi, vu qu'on a beau, on s'est posé, ou du moins moi je me suis posé la question, tu n'es non pas intermittent du spectacle, mais tu es passé au statut auto-entrepreneur, hein, parce que je pense que c'est important, comme on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois sur les intermittents, mais ça t'empêche pas de vivre, vu que voilà. tu ratisses un rayon quand même très large. Hein. Tu vas jusqu'à Dijon, tu vas jusqu'à Besançon, tu fais des anniversaires, des fêtes pour les particuliers, des mariages, tu fais vraiment de tout. Et d'ailleurs, c'est une question que je comptais te poser. Quel avantage ça a, même si je pense que j'y ai répondu toute seule, quel avantage ça a d'avoir autant de cordes à ton arc ? Et ben pouvoir travailler sur différentes structures, parce que bon, on peut faire des spectacles enfants avec le clown, la magie, mais on peut faire des fêtes pour les adolescents avec le cracheur de feu, le fakir. Et puis ça m'a permis également de faire donc beaucoup de choses. Donc j'ai fait un footing coloré où il lance la poudre oui. de Nathalie Mougel. Et donc je crois que c'est dimanche, je suis en footing coloré. Donc allez-y parce que c'est vraiment bien. Et puis ça m'a permis aussi de travailler sur beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé donc au parc du château, donc avec mon spectacle de clown et également avec les mascottes. Avec les mascottes également, je fais les fêtes foraines. J'anime les fêtes foraines où j'ai les mascottes qui font du manège. Donc il y a des photos sur mon Facebook également. Et après tout ce qui est donc fakir, cracheur de feu, bah c'est pour les fêtes médiévales, les soirées d'Halloween et puis parking de magasins, parce que j'ai fait également pour des ventes privées, mon spectacle de fakir, donc sur le parking d'un magasin. Et puis voilà. Et puis l'hiver, je consacre la tournée de décembre avec le spectacle de Noël et le spectacle de clown. Et d'ailleurs, dis-moi, je pense que ça va être la dernière fois qu'on va parler de cirque, vu que ce serait encore bien de parler de ton actualité et de tes projets, vu que tu en as. Mais on a un petit peu discuté hors antenne et tu m'as fait comprendre que la vie qu'on connaît, ça n'a rien à voir avec le monde du cirque. Ah bah non, le monde du cirque, c'est une grande famille. C'est quand on va au cirque, moi quand j'ai travaillé chez Avata, c'était donc, en travaillant chez Avata, c'était directement tu. Il n'y avait pas de vouvoiement, il n'y avait rien du tout avec la patronne, c'était tu. De temps en temps, avec un autre cirque, donc le cirque de Monsieur Loyal, j'allais au restaurant avec eux. Et puis tous des autres cirques, comme là, un petit coup de pub également pour eux, il y a le cirque Warren Zavata qui est à Bruyères, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc j'irai les voir donc dimanche, car c'est des amis. Et dès qu'il y a un cirque que je connais bien, je vais les voir régulièrement. Et on s'est de temps en temps au téléphone. Oui, et forcément, tu m'as dit, c'est deux mondes tout à fait à part, entre ta vie au cirque et ta vie maintenant en tant qu'auto-entrepreneur. Ben, bien sûr, parce que quand tu es artiste, tu vas dans ta salle de spectacle, tu reviens le soir, tu es chez toi. Mais quand tu es au cirque, tu es dans ta caravane. Et tu suis le cirque, donc des fois c'est une journée de spectacle, des fois c'est 2-3 jours, donc il y a le montage, il y a le démontage, c'est une vie complètement différente, mais ça reste une grande famille, donc on n'est pas seul, et on rencontre beaucoup de monde, et c'est ça qui est magique. Oui, ça doit être un très bon souvenir que tu dois garder bien au chaud pour les soirées d'hiver. Bon, les soirées d'hiver avec la tournée d'hiver, pas trop, mais ça va. Mais ça doit être une expérience que toute personne qui a envie de faire, je pense, du spectacle vivant devrait peut-être vivre. Du moins, est-ce que c'est ce que tu conseillerais ? Alors, un qui veut se lancer donc, dans les cirques, aller travailler dans les cirques, c'est vraiment une expérience super. Parce que bon, quand on est jeune et qu'on est sédentaire et que du jour au lendemain, on se met dans la vie du cirque, c'est la maturité qui arrive direct, parce que bon, on a nos petites habitudes, on a ça, bon, quand on est chez les parents, c'est les parents qui font la lessive, tout ça, bon, je te dirai pas tous les détails, mais après, quand on est au cirque directement, on est dans son petit chez-soi, dans sa petite caravane, on suit donc le cirque, et puis bon, il y a toutes des anecdotes, parce que des fois, on est donc sur des belles places, des beaux terrains, et puis des fois, on est sur des terrains en herbe, donc... Donc des fois, s'il pleut, des fois on peut être embourbé. Mais c'est vraiment un monde magique, que ce soit petit cirque et grand cirque. Moi, je fais tous les cirques, bien sûr, traditionnels. Et après tout, comme tu l'as dit, la vie ou être clown, c'est une vie magique et c'est pour ça que tu portes le nom de Magic Cecily, j'imagine. Voilà. Ça y est, ça va tout doucement être l'heure d'arriver à la fin. Donc, les deux derniers points, c'est ton actualité et tes projets. Alors, qu'est-ce que tu vas faire prochainement ? Alors, actualité, c'est demain. C'est la Fashion Night à Épinal où je vais déambuler donc, dans la ville avec des tours de magie, de la sculpture sur ballon. Il y aura également des exposants qui seront là, donc je crois qu'il y a une cinquantaine d'exposants. Il y aura 4 podiums de défilés, donc défilés de mode avec des DJ, donc les DJ Projax avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Et il y a également des magasins qui seront ouverts jusque minuit. Et puis plein d'animations, car Epicentre font beaucoup d'animations et des animations vraiment très bien. Eh bien, on a hâte de te voir demain soir à la Fashion Night d'Épinal. Et dis-moi, comme j'imagine, tu bouges tout le temps, tu fais toujours, j'imagine, de nouvelles choses. Est-ce que tu as du projet pour les temps à venir ? Ragrandir mon numéro de fakir. C'est essayer de retrouver de nouvelles idées pour que le spectacle soit encore plus long. Et te spécialiser en fakir ou continuer à te spécialiser dans tout ? En tout. Mais les autres, vu que ça fait déjà un petit moment, je m'adresse vraiment aux fakirs pour agrandir. Oui, vu qu'après tout, hein, je répète, ne faites pas ça chez vous, ne l'improvisez pas, c'est dangereux. Magic Cecily est un professionnel qui a appris des techniques, qui sait comment faire. Manipuler du verre, des clous ou même du feu, hein, ça peut avoir des conséquences voilà, quand on ne sait pas dangereux, ce qu'on fait. Donc il ne faut pas le faire. Voilà, mais toi, après tout, tu sais ce que tu fais, c'est ton terrain de jeu, tu connais les risques et tu sais, j'imagine, les moyens de les détourner pour ne pas te faire mal. Et c'est une bonne chose. Bah heureusement. Comme tous les fakirs. Ah si, c'est vrai, c'est une dernière chose. Tu avais parlé un petit peu des serpents, mais je crois que tu as omis de dire que tu as été charmeur de serpents. Oui, j'ai été charmeur de serpents donc, au cirque de Monsieur Loyal, où je présentais donc, les reptiles, où je me promenais donc, avec les reptiles autour de la piste. Après, je faisais caresser les reptiles aux enfants et aux adultes pour ceux qui n'avaient pas peur. Et également, je m'en occupais à côté, à les nourrir et tout ça. Et tu leur faisais pas le numéro si connu où tu leur chantes de la flûte pour qu'ils sortent d'un panier ? Non, je ne faisais pas ça. C'est un numéro traditionnel où je présentais les reptiles. Ah voilà. Et je ne suis pas musicien, ni chanteur. Bon, on ne sait jamais, hein. Après tout, il faut poser la question pour le savoir. Et je ne sais pas si j'ai une dernière chose à dire, mais si tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs. Eh bien, si vous voulez me suivre toute mon actualité, donc n'hésitez pas à venir donc, sur ma page Facebook Magic Cecily et sur mon site internet www.magiccecily.com. Bah, ça tombe bien parce que je l'avais noté, mais j'avais oublié de le dire. Merci beaucoup de m'avoir devancé pour les contacts. Après tout, c'est important pour savoir où et comment te trouver, tout simplement. Et avant qu'on se dise au revoir, comme d'habitude, c'est déjà l'heure de faire le programme de la soirée. Donc, la prochaine émission, c'est à 20h. Hein, on va parler rock'n'roll et métal avec Memento Mori, suivi à 23h de Rock à la Casbah. La prochaine émission, c'est la rediffusion de celle que vous venez d'écouter à l'instant de 7h à 8h. Et pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre jusqu'à demain matin, elle sera déjà disponible en podcast sur la page Radio Guémozo ou sur notre site radioguémozo.eu, disponible bien entendu en téléchargement. Et le thème de demain, nouveauté, hein, je l'annonce à l'antenne. Le vendredi, je n'aurai plus un seul invité, mais je ferai un mix avec plusieurs personnes. Donc ce sera, c'est la relève du billet de sortie tout simplement. Donc ce sera tous les vendredis un mix de différentes interviews pour des événements qui auront lieu durant le week-end dans le secteur. Donc comme ça, vous savez ce qu'il y aura demain. C'était Magic Cecily, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel pour mettre ton activité en avant. Je rappelle ton actualité, donc pour ceux qui ont peut-être envie de te voir, ce sera ce week-end à la Fashion Night d'Épinal. Ça commence demain, c'est ça ? C'est uniquement demain. Ah, c'est uniquement demain, donc c'est juste bien que tu le précises. Uniquement demain soir. Donc ce sera l'occasion de te voir pour faire tous tes numéros. Mais il y aura aussi d'autres occasions, bien entendu, comme tu l'as rappelé, ta page Facebook Magic Cecily ou ton site Magic Cecily, donc M-A-G-I-X-S-I-2-L-I pour les auditeurs. Comme ça, vous savez comment ça s'orthographie. Je te remercie encore une fois d'être venu. Je remercie les auditeurs d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gémozo. Bonne soirée.